canot le matin, sous la grisaille et la pluie, sont bien moins pathétiques que les canots la nuit. Les gentils riverains, tranquilles et sans folie, sont bien plus sympathiques que les filles et les zombies. Quelques bicyclettes se frayent un chemin entre les ruisseaux et les culs de joint. Et mon joli joker, quel feutré d'Amsterdam, ta mezzanine enfumée me réchauffe le cœur. Que les vitrines à minuit. Les clochards assoupis sur des bancs mouillés sont bien plus sympathiques que les touristes enivrés. Quelques bicyclettes se frayent un chemin entre les ruisseaux et les culs de joint. Et mon joli joker, calfeutré d'Amsterdam, ta mezzanine enfumée me réchauffe le cœur. Chemin entre les ruisseaux et les culs de joint. Et mon joli joker, quel feutré d'Amsterdam, ta mezzanine enfumée me réchauffe le cœur.